Comment les fascistes ont failli abattre la République le 6 février 1934 ? On se souvient que le 6 janvier 2021, à l'appel de Donald Trump, des milliers de manifestants ont envahi le Congrès où étaient réunis les représentants du peuple américain pour contester le résultat de l'élection présidentielle. 4 émeutiers ont perdu la vie lors de cet assaut. Cette attaque contre la démocratie était sans précédent dans l'histoire des États-Unis, mais ce type d'événement avait déjà eu lieu en France le 6 février 1934. Ce jour-là, plusieurs ligues d'extrême droite, comme les Croix de Feu ou l'Action française, appelèrent leurs adhérents à manifester place de la Concorde pour protester contre le limogeage de Jean Chiappe, le préfet de police, soupçonné d'entraver les enquêtes parlementaires concernant des affaires de corruption. Plusieurs associations d'anciens combattants participèrent à cette manifestation qui rassembla au total entre 30 000 et 50 000 personnes. La grave crise économique que traversait alors la France explique l'ampleur d'une mobilisation que l'extrême droite tenta d'exploiter à son profit pour renverser le régime parlementaire. La date n'avait pas été choisie au hasard, puisqu'il était prévu que le nouveau gouvernement, dirigé par Édouard Daladier, l'un des principaux leaders du Parti radical, soit présenté à la Chambre des députés le 6 février 1934. Alors que la foule était rassemblée place de la Concorde, plusieurs milliers de manifestants d'extrême droite, dont certains étaient armés, tentèrent de marcher sur le Palais Bourbon, là où se réunissaient les députés. L'assaut fut extrêmement violent. Les émeutiers s'attaquèrent aux forces de police en leur lançant des boulets de charbon, des débris de fonte et des bâtons au bout desquels ils avaient fixé des lames de rasoir. Ayant également essuyé des coups de feu, les policiers ripostèrent en ouvrant le feu au moins 3 reprises au cours de la soirée. Au total, cette émeute anti-parlementaire fit une 20aine de morts et plus de 2000 blessés. Cet événement marqua d'autant plus fortement l'opinion publique que la vie politique française s'était pacifiée après la répression sanglante de la manifestation du 1er mai 1891 à Fourmies qui avait fait 9 morts. Mais la crise économique des années 30 avait entraîné une radicalisation des antagonismes politiques et sociaux. À l'extrême gauche, la révolution bolchévique avait ravivé les espérances révolutionnaires dans une partie du monde ouvrier au profit du parti communiste. À l'extrême droite, les admirateurs du régime fasciste de Mussolini étaient de plus en plus nombreux. L'antiparlementarisme était également alimenté par la succession des scandales politico-financiers. L'émeute du 6 février 1934 fut un événement capital dans le processus qui aboutit au regroupement des forces de gauche au sein d'un front antifasciste, prémisse du Front populaire. Mais aujourd'hui encore, il existe un vif débat parmi les historiens sur la nature de cette manifestation. Une partie d'entre eux estime qu'il s'agissait bel et bien d'une tentative de coup d'État fasciste, alors que les autres ont tendance à relativiser la gravité de l'événement en récusant l'idée d'un complot préparé de longue date par l'extrême droite.